Regarde, si vous avez, si vos convictions vous ont mené là, là correct, mais vivez avec, là. Tu sais, là, on essaie de nous faire passer ce gars-là pour, je sais pas quoi, une espèce de martyr de l'environnement, mais je veux dire, le gars a décidé d'aller. Exact. Si vos convictions vous poussent jusque-là, moi, sais-tu quoi, j'encourage ça, moi, les convictions fortes, là. Tu sais, puis quelqu'un qui dit, moi, là, je crois tellement à ça, là, que je vais aller péter un tuyau de pétrole, puis je vais aller. Ben, vas-y. Ben, moi, je respecte pas ça. C'est du terrorisme, là. Non, mais ce que je veux, je te parle pas de kidnapper du monde puis de tuer des enfants. Ouais, même là, endommager, je préconise pas ça. Je préconise pas ça. Ce que je te dis, c'est que si tu le fais, paye le prix. Vis avec. Exact. Puis vis avec les conséquences. Tu peux le faire physiquement. C'est ça, je veux dire. Si tu le fais, tu payes le prix. Exact. Tu sais qu'il va avoir un prix à payer, broille pas, là. Fais ça en homme, là. Et je félicite ce matin le porte-parole de la police de Montréal, Jean-Pierre Barabin, qui a dit les pompiers n'iront pas les chercher. Ben non, right, j'espère, ça n'a pas rapport. Right. Regarde, t'as monté en haut, fille, là. Organise-toi que tes maudits problèmes. Et lorsqu'ils vont redescendre, dit M. Brabant, nous allons les rencontrer pour déterminer si des actions seront portées contre eux. J'espère qu'il y aura des actions. C'est illégal de faire ça. C'est du méfait. C'est le même message pour eux autres là, qui ont monté un matin dans la structure. Si vos convictions vous ont poussé jusque-là, bravo. Paye le prix. Mais si tu tombes en bas et tu meurs, ben là, j'espère que ta famille viendra pas pleurer. Mais là, le gouvernement... Ça se peut. Parce qu'on est dans une ère de déresponsabilisation. Ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute des autres. Alors, il y a un gars qui s'appelle Alexandre Paul qui est allé se mettre dans le trouble en Russie. En Russie, dans un pays que Poutine gère d'une main de fer, on sait ce qu'il fait, on connaît ses pensées concernant, entre autres, bon, les homosexuels, ça a été dernièrement sa dernière offensive, tout ce qui est discours de dissidence en général, ça passe pas. Il aime pas ça. Mettez-vous pas en face là! Et là, ses parents à la télé qui viennent brailler et blâmer Stephen Harper, voulez-vous bien m'arrêter deux minutes? On a plusieurs extraits. On a plusieurs extraits. On commence par quel extrait, Jean-Claude? Bon, là, donc, ce matin, ça a monté dans la biosphère et les médias ont mis la main sur les parents d'Alexandre, le gars qui est en prison en Russie. On va commencer avec son père, peut-être. Je l'ai pas entendu, celui-là. C'est Laurent qui l'a sorti, mais toi, tu l'as entendu. OK. On va commencer plus, Jean-Claude, si tu permets, ouais, avec les extraits que toi, t'as sortis. Il y a les paroles chronologiques. OK, donc parce la que mère. Les extraits que Laurent a sortis, c'est quasiment 45 minutes plus tard, quasiment une heure plus tard. Donc, okay. Ça a eu le temps d'évoluer. OK. Et commencer avec la mère. Question de suivre, exactement. Parfait. On commence avec la mère. La mère qui, elle, ce qu'elle nous dit, je sais pas, le premier extrait que j'allais te faire jouer s'intitule « Fault Harper ». Mais la mère, il pourrait s'intituler de la même façon, là, l'extrait. Ce qu'il nous disait à ce moment-là, c'est qu'il était beaucoup de colère par rapport au gouvernement Harper, qui fait pas aucune... représentation. C'est ça. La seule chose que le gouvernement Harper a dit à date, là, c'est comme qu'il donnait des services consulaires que j'ai présentement de Mme Girard là, à Ottawa, qui est en relation avec, en lien avec Mme du consul là, de la Russie, qui va voir Alexandre, qui l'a vu la semaine dernière, qui m'a donné des nouvelles là, de détention là, à Saint-Pétersbourg, où les conditions étaient améliorées comparativement avec Moulman. Okay. Donc, ils font le job. Donc, Harper fait rien, mais il a mis à la disposition de la famille une madame à Ottawa qui communique avec le consulat canadien en Russie, qui, elle, communique avec les autorités russes. Ben, il a parlé cette semaine. Ben, il a dit que son gars, il allait bien, puis ils ont amélioré ses conditions de détention. Ils l'ont changé de prison. Mais ben, le gouvernement Harper fait rien! Non, donc, ils font une belle job. Ben, ils font la job. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Parce qu'un citoyen canadien qui s'est mis dans le trouble, un grand garçon, majeur et vacciné, qui s'est mis dans le trouble, de par sa volonté, puis de par ses décisions. Et là, les parents osent venir dire sa faute. C'est toujours la faute. Puis c'est plus le gouvernement du Canada, hein. Ça n'existe plus, cette expression-là. Hein. C'est le gouvernement Harper. Donc, on voudrait que Stephen Harper une entité extérieure. Parte en avion avec ses valises. Rentre en Russie avec des mitraillettes, puis sort Alexandre de la prison. Et à nos frais, là, aux frais des contribuables. C'est ça qu'il voudrait, là. Il voudrait que ce gars-là soit rapatrié ici, à nos frais. Non, mais tu peux pas le rapatrier, donc. Non. Il est accusé, il est en prison. Là. Exact. C'est la justice, donc, russe qui s'applique. Et là, il y a des négociations, des pourparlers, il y a des... Alors, on tente de faire ce qu'on peut, là, mais le gars s'est mis dans le trouble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis c'est pas comme si le gars était un touriste, OK? Tu sais, j'y voyais ça matin, je disais, on parlait, on faisait des comparaisons. Peut-être le gars, moi, je m'en vais en touriste à Moscou. Moi, j'irais pas ça, mais une fois dans ma vie, aller voir Moscou. Là, OK. Puis bon. Puis, maintenant, je sais pas, là, quelqu'un glisse quelque chose dans ma... Tu sais, une histoire de fou. Après, je suis une espèce de victime, tu sais. Là, le gars, il a pris le bateau, il a pris l'avion, il est allé en Europe, il a embarqué sur son bateau de flingué, avec son pack-sac. Avec d'autres manifestants, là. Avec ses banderoles, il était 30, OK, en passant. Oui. Puis lui-même est allé dans la mer du Nord, aller faire du trouble. C'est pas un accident, pis c'est pas le gars, pauvre gars, tu sais. Puis même, j'en reviens à lui, là, lui, il est en prison, il appelle sa mère. Oh, maman! C'est toujours ça. Qu'est-ce que tu fais, man? Assume, assume. J'aime ça quand tu brailles, là, même. Là, je comprends pas mais ce qu'il dit le gars. T'aimerais ça que Stephen Harper vienne te chercher, mon petit gars? Il aimerait ça que Stephen Harper vienne le chercher. Ben oui. OK, donc... Là, le père, Le père, peut-être? Okay. Ouais, le père, lui, il dit que c'est la faute à Stephen Harper aussi. Son fils a rien fait, comprends-tu? C'est Harper, encore une fois, qui s'est mis dans le trouble. On aurait pensé que M. Harper allait déléguer quelqu'un venir nous voir, nous accueillir. Bon. Après tout, c'est une affaire sur le Canada. Il y a deux activistes qui sont des Canadiens qui sont là. Par contre, en Europe, les pays, même des premiers ministres de là, qui ont fait des pressions sur la Russie. Mais le nôtre, on n'entend absolument rien dire. C'est vrai qu'il y a des problèmes avec ses oies, comme on dit, mais en tout cas, on fait partie du Canada, on paye des taxes, toute la patente, je me sors un service adéquat. Bon. Service adéquat. Service adéquat. Puis une demi-heure avant, sa femme disait, ouais, mais ben, service consulaire s'en occupe, là. C'est ça. Puis il se lave, il mange mieux, puis il peut se laver. Puis, ben, ils ont quand même toujours bien réussi à le faire changer de prison. Là. Il avait peur dans l'autre prise. Honnêtement, pour la Russie des histoires que j'ai entendues, c'est quand même un exploit, là. Oui. D'avoir réussi à le faire changer de prison. Son sort a été amélioré. Puis de l'amener dans une prison moins de sécurité, avec peut-être moins de... J'allais dire coup de bâton, j'exagère peut-être, mais moins de punition, mettons, moins de punition. Journaliste à RDI, la fille sur le terrain, le gars en studio, pas moyen aussi de demander aux parents, est-ce que c'est Stephen Harper qui a demandé à votre fils d'aller se mettre dans le trouble en Russie? Est-ce que ne trouvez-vous pas que votre fils majeur et vacciné a peut-être pris une mauvaise décision? Regarde, il est dans Greenpeace, c'est-tu ses oignons, j'ai pas de problème avec ça, il a le droit à ses idées. Ça y tentait pas d'aller manifester en Nouvelle-Zélande à la place? Ou en Australie, au lieu d'aller faire du trouble en Russie. Oh, mais la plateforme est là. Ah, donc il est vraiment obligé d'y aller. C'est ça, c'est les émotions, à un moment donné, qui se mélangent à la rationalité. Et les émotions te poussent à dire, moi, je vais sauver la Terre avec mes chums, puis je vais y aller, puis ils vont m'entendre, puis ils vont entendre mon message. Ben, c'est ça. Là, il y a un bon reality check, le petit gars, là. Puis je sais pas aussi de où vient cette idée qu'on peut, à 30, faire changer une compagnie pétrolière ou, tu sais, eux autres, ils auraient fait quoi, là? Ils auraient accroché une banderole, ils auraient coupé deux, trois tuyaux. Pas ça à TV. Mais, pensez-vous quoi, là, qu'ils vont arrêter? Ah, ben, tabarouette, t'as des jeunes sur notre plateforme. Ah, ben, on arrête la production. Ben, c'est ça, on va se retirer. Tu sais, voyons, je comprends. On ferme la compagnie. Puis je vous dis pas de plus avoir de conviction, puis de plus pousser. Tu sais, maintenant, c'est correct aussi de faire passer des messages. De continuer. Moi, Greenpeace, là, il me donnait, quand je restais sur le plateau à Montréal, il m'envoyait, il passait chez nous, puis il me donnait des petits papiers, tu sais, puis il essayait de me conscientiser. Mais non, mais c'est correct, ça. J'ai pas de problème avec ça. Aucun problème. Mais de où cette idée que d'aller faire du trouble en Russie puis d'essayer de péter c'est une plateforme? C'est naïf, des farfelus. Ça va arrêter la production du pétrole. Je veux passer un message. C'est bon aussi pour obtenir des dons, hein. Ce genre d'activité-là, tu mets ça dans une vidéo pour recueillir des dons sur Internet. Ah, c'est winner, ça de même, là. Ça te prend une revue de presse. Okay. Tu mets juste des vidéos de 1972, c'est pas bon, là. Fait que ça se peut que tu dois faire des actions pour ramasser de l'argent. Ouais. Je dis ça de même. Et là, le père qui continue. Son fils, il a lavé le cerveau pas à peu près. C'est sûr que tout père, il aime son fils. Oui. Mais là, je vous dirais que ça, c'est un cas de Kool-Aid, là. Le père a bu le Kool-Aid de marque Greenpeace, pas à peu près. Mais ça sort un peu pas mal pas enveloppé, là. Les tsunamis sont là-dedans avec l'huile, puis... regarde, son père aime beaucoup, beaucoup son fils. Je peux pas le blâmer, là. Mais il a bu le Kool-Aid de marque Greenpeace, puis il a bu peut-être une gorgée de trop. Là. Il y a eu beaucoup d'informations, c'est ça? Oui. Okay. Par contre, qu'en Russie, ils peuvent polluer la planète aussi. Du coup, ils traversent à peu près 5 épaisseurs de glace. Si ça se répand du pétrole, du ça, avant que ça en aperçoit, ça peut prendre une couple de mois, puis ça aperçoit qu'il y a une fuite en quelque part, puis c'est une place qui a de l'eau pure encore dans ce coin-là. Fait que déjà gaspiller le nord du pays, de la planète, vu que le sud, il en gaspille en masse, c'est à l'heure, il va arriver quelque chose. Ils s'en posent déjà bien des choses coquasses passe à travers la planète, des tsunamis, des tornades, il y a tout qui se va avoir. Fait que faudrait qu'on se réveille là-dessus. Là, les tsunamis, les couches les de glace. Les tsunamis, il faut se réveiller, on le gaspille. Pétrole. Puis, tu sais, encore une fois, moi j'ai peut-être une oreille plus attentive que toi là-dessus, mais tu sais, c'est vrai que c'est pas, il peut y avoir des accidents là, ces plateformes de pétrole, on comprend ça là. Est-ce que ça arrive souvent? Je sais pas, tu sais, puis il y en a déjà eu, puis ben c'est des catastrophes, je veux dire, c'est dans le golfe, dans le golfe du Mexique, c'est épouvantable, c'est une catastrophe épouvantable. C'est épouvantable. Mais puis il y a beaucoup compensé, hein. Là, je veux pas partir à débat sur compensé je comprends, assez là, ils ont mais compensé. Mais il y aura encore des traces pour probablement des dizaines d'années encore là, c'est dégueulasse, il faut combattre ça. Mais il y a des bombes de l'environnement en Chine entre autres, plus qu'au Québec. Combattez les bonnes sources. J'ai pas de problème avec ça dans tout ce discours là de changement climatique. Comment les amis du Bixi là, comment qu'on serait sur un bessic à pédale matin, midi, soir, 24 heures sur 24, même l'hiver là. C'est pas là le problème là, c'est en Chine. OK, on va juste rétablir les faits là, le problème c'est en Chine et en Inde. C'est pas à Montréal, c'est pas au Québec. Comment peut-être en Russie aussi un peu. Comment qu'on roulerait tous à bessic à pédale là, au Québec là? Ça changera pas la planète. On comprend qu'on devrait cibler ça. Maintenant, mais moi, mon point, c'est qu'assume-les, là, aussi. Parce que souvent, en Chine, ça va être la même histoire, là. Oui, assume. Les Chinois, ils trouveront pas ça plus drôle, là. Donc, si tu vas faire du trouble, assume. Tu vas faire de la prison. En Chine, tu te balles entre les deux yeux. Ça peut être la peine de mort, puis ils chargent à ta famille le prix de la balle, là. Ouais. C'est bon. Même, ça marche, là. Bon. Donc, Peut-être un petit dernier pour la route. Le dernier, c'est l'activiste comme tel qui a parlé au gars dernier. C'est celle qui était grimpée dans la biosphère, dans le pavillon américain. Elle avait mis le collet solide. Là. Elle a décidé d'appeler, de donner une entrevue live de la boule. On écoute. Et à quelle hauteur à peu près êtes-vous dans la structure, là? J'en ai aucune idée. C'est vraiment pas ce qui m'importe actuellement. Ce qui m'importe, c'est la libération. Les émotions. Des 30 activistes de l'article. Bon. Et si vous êtes dans la structure-là, vous avez l'intention de faire quoi? Vous allez rester comme ça ou vous allez dérouler une banderole? Il y a un message particulier que vous voulez déployer? On va dérouler une bannière pour faire passer le message pour sensibiliser tous les citoyens puis aussi inviter M. Harper à agir le plus rapidement possible parce que, contrairement à plusieurs autres pays, il y a aucune, le gouvernement canadien qui n'est pas prononcé encore par rapport aux arrestations des deux Canadiens qui sont partis des 30 de l'article. Donc, on va dérouler cette bannière-là pour faire passer notre message. Est-ce que vous allez redescendre immédiatement après ça ou vous restez dans la structure? On va rester ici tout le temps que ça va prendre pour que notre message soit bien passé. Bon, il est passé, là. Tu peux descendre, fille. Bon, on n'ira pas te chercher, par exemple, aux frais des contribuables. Ça, c'est sûr et certain. La police de Montréal le dit clairement, là. Les pompiers ne participeront pas à l'opération. C'est clair, mais t'es précis. Ils ont mis la bannière. Pis... lorsque Stephen Harper, parce que ça va arriver, là, inquiétez-vous pas, ils vont pas le décapiter en Russie. Là. Maintenant, ils vont le lâcher. Là, ils attendent probablement de donner une petite leçon. Là, ils font peur un peu. Pis, bon. Mais quand ça va arriver, là, il y aura pas... je pense qu'il y aura une parade de dire merci. Hein. Je pense que Stephen Harper... Premièrement, Stephen Harper n'est pas responsable de la sécurité de tous les Canadiens sur la planète. Non, mais le discours suivant, c'est un discours de responsabilisation. Vous faites un geste, vous l'assumez, vous en assumez les conséquences. Mais les farfelus de l'environnement d'aller blâmer Harper, qui pollue la planète, pas Harper, il vient pas me sauver le cul quand je me mets dans le trou, puis Harper, il appelle pas son jam poutine pour qu'il me libère parce que je me suis mis dans le trou, parce que je vais aller manifester en Russie, sacrifice. À un moment donné, assumez, je vois le vert. Assumez, un peu. Un grand garçon, je serais gêné de voir mes parents RDI, un grand gars de 29 ans, puis ses parents viennent de la défendre à la TV. Sacrifice. À un moment donné, allume un peu. T'es dans le trouble de par tes propres actes. C'est pas un accident que c'est passé. Non. De par tes propres actes. T'es en prison en Russie. Assume. À un moment donné, tu vas être libéré. Comme tu le dis, il se fait frotter un peu les oreilles, là. Avec deux, trois gardiens avec des casses de poêle, m'a dire une affaire, ça, c'est pas élégant, là. Non. Pas le fun, là. Non. Il mange pas nécessairement à midi, à pile, hein. Non. Puis il mange pas très bien, je pense. C'est ça. Ah, mais c'est ce gars. Il va s'en souvenir à un moment donné. Il va dire, ouais, mes convictions, finalement. OK, mais, guys. C'est parce que vous voulez coller à Corée du Nord la semaine prochaine? Bon, ça se peut que je reste à la maison. Là. Moi, j'irai pas. C'est au tour à quelqu'un d'autre. C'est ça. Je vais sauter mon tour là-dessus. 9h53. Et vous, qu'en dites-vous? Live. À radiox.com. 1-877-440-2464. On revient. Vous êtes d'abord à live.